إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن الزكاة ثالث أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام وفضائلها كثيرة على المزكي وعلى ماله وأهله وعياله قال الله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه وفضائل الزكاة كثيرة ولسنا بصدد بيانها ولكننا نريد في هذه الخطبة بيان بعض المسائل التي يحتاجها الناس ولا سيما أن كثيرا من الناس يخرجون زكواتهم في هذه الأيام أو في شهر رمضان المسألة الأولى متى يجب إخراج الزكاة والجواب يجب عند تمام الحول أي مضي سنة على اكتمال النصاب إلا في الحبوب والثمار فهذه تخرج عند الحصاد وجني الثمار قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وبعض الناس يكون عنده مال زكوي ويحول عليه الحول ثم يؤخر الأسبوع والأسبوعين وربما الشهر والشهرين وهذا خطأ عظيم وخطر على الإنسان لأنه ربما ينسى أو يموت وتبقى ذمته مشغولة ولكن لو أخر ليوم أو يومين أو شبهها لحاجة فلا بأس كأن يكون ليس عنده نقد أو أراد انتظار قدوم الفقير أو ما أشبه ذلك بحيث تكون المدة قصيرة فلا بأس بذلك المسألة الثانية ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ الجواب أنها أربعة أصناف الصنف الأول بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ثانيا الحبوب والثمار مثل القمح والتمر وثالثا الذهب والفضة وما يقوم مقامها اليوم من الدولارات وغيرها من العملات رابعا عروض التجارة وهي جميع الأموال التي أعدت للتكسب بالبيع والشراء وكلها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ومبلغ النصاب للذهب والفضة أو للذهب خصوصا 85 جرام من الذهب أما بالنسبة للفضة فهو 595 جرام من الفضة 595 95 جرام من الفضة. المسألة الثالثة: ما المقدار الذي تجب إخراجه في هذه الأموال؟ الجواب: أما بهيمة الأنعام ففيها تفاصيل لا تحتملها هذه الخطبة، فمن احتاج فليسأل أهل العلم لتبرأ ذمته. أما الحبوب والثمار ففيها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة أو بغير مؤنة، كما لو كانت تسقى بماء الأمطار مثلا. أما إن كانت تسقى بكلفة وهي غالب مزارع الناس اليوم ففيها نصف العشر. وأما الذهب والفضة والفلوس والعملات الأخرى ففيها ربع العشر، وكذلك عروض التجارة مثلها، فتقوم عند تمام الحول تنظر قيمتها وتخرج ربع العشر منها. المسألة الرابعة: من هم أهل الزكاة الذين يستحقون أن يعطوها؟ والجواب أن هذه مسألة مهمة، ولذلك سوف نتكلم عن بعض أصنافها. وقد بين الله عز وجل أهل الزكاة في القرآن، يقول تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال العلماء: فهؤلاء المذكورون في هذه الآية هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم، لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم بإجماع العلماء، ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله. كمثلا بعض الناس يعطون زكاتهم للمشاريع الخيرية أو لبناء المساجد والمدارس، وكل هذا لا يجوز. إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وإنما تفيد الحصر وتثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه، والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصة. وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف إلى غيرها. ونبين ثلاثة أصناف منها: الصنف الأول الفقراء، وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم، ولا يقدرون على التكسب، أو يجدون بعض الكفاية فيعطون من الزكاة كفايتهم، إن كانوا لا يجدون منها شيئا، أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل. أما الصنف الثاني المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها فيعطى تمام كفايته لعام كامل. والصنف السادس وهو الغارم، المراد بالغارم المدين الذي عليه دين، وهو نوعان: أحدهما غارم لغيره، وهو الغارم لإصلاح ذات البين، بأن يقع بين يعني قبيلتين نزاع في دماء أو أموال، يحدث بسبب ذلك شحناء وعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنة، فيكون قد عمل معروفا عظيما فهنا يعطى من الزكاة لئلا تجحف الحمالة بماله، وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل الذي يحصل به كف الفتن. والثاني من الغارمين الغارم لنفسه، كأن يكون عليه دين لا يقدر على تسديده، فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. وأما الأصناف الأخرى فينظر في كتب الفقه ويسأل أهل العلم لمعرفة التفصيل فيها. عباد الله، اعلموا أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. فلم يذكر في هذا الحديث إلا صنفا واحدا، فدل على جواز صرفها إليه، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد. ثم اعلموا كذلك أن الأفضل دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، رواه الخمسة وصححه الألباني. ولا يجوز دفع الزكاة إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. ولا يجوز كذلك للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم كالآباء والأبناء، لأنه يقي بها ماله حينئذ. وأما من كان ينفق عليه تبرعا وهو ليس عليه إلزام شرعي على الإنفاق عليه، فإنه يجوز حينئذ أن يعطيه من زكاته. ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع زكاته، يتثبت من دفع زكاته، فلا يدفعها إلا لمن يعرف أنه مستحق لها، فإن جهل فليسأل من يعرفه لكي يتثبت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah, et sachez que Allah Azza wa Jal, il a légiféré dans sa religion un parmi les piliers qui fait partie des cinq piliers de l'islam et qui fait partie des plus importants, et c'est le pilier qui est la compagne de la salat, puisque dans le Coran elle est toujours mentionnée ou presque toujours mentionnée en même temps que la salat, et il s'agit bien entendu de la zakat. Et donc c'est un des piliers de l'islam qui fait partie des obligations pour le musulman en particulier qui a beaucoup d'argent, hein, et qui est riche. Allah Azza wa Jal, il encourage et il ordonne aux croyants de dépenser de ses biens dans les bonnes œuvres, et il y a dans le fait de payer la zakat beaucoup de mérite et beaucoup de bienfaits. Non seulement que c'est une adoration qu'il fait et il se rapproche d'Allah en faisant ça, mais en même temps il y a un bien pour lui, une purification de ses biens, et il y a un bien qui en découle également sur le reste de ce qu'il possède comme richesse et comme bien, et aussi sur sa famille et aussi sur ses enfants. Donc il y a un bien et une bénédiction dans le fait de payer la zakat. Et Allah Azza wa Jal, il dit, tout ce que vous dépensez dans la cause d'Allah, que ce soit obligatoire ou volontaire, eh bien, c'est un bien pour vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, quiconque a donné une sadaqa, hein, même si c'est la valeur d'une date seulement, et que cette date, il l'a donnée, il l'a gagnée par un travail qui est halal, et ça vient de son argent qui est halal, parce que Allah n'accepte que ce qui est halal, eh bien, Allah Azza wa Jal, il va l'accepter de sa main droite, et il va faire augmenter et croître cette sadaqa, cette date que tu as donnée. Il l'a fait augmenter dans sa main droite, et il l'a fait grandir, de la même manière que l'un d'entre vous élève son petit poulain pour qu'il devienne un grand cheval. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la fin du hadith, jusqu'à ce que ça devienne comme une montagne. Donc ça veut dire que cette petite date que tu donnes en sadaqa, au début c'est une petite valeur, hein, ou quelque chose qui a peu de valeur, mais Allah Azza wa Jal, il le fait augmenter et augmenter et croître jusqu'à ce que ça devienne comme une montagne, hein, de hasanat et de bien. Et donc il y a de grands mérites dans le fait de payer la zakat. Et on va expliquer certaines d'entre les règles qui sont reliées à ce sujet-là de façon résumée. Quand est-ce qu'il est obligatoire de payer la zakat? Il n'y a pas un moment spécifique qui est déterminé par la charia pour dire aujourd'hui tu dois payer ta zakat tel mois ou telle semaine ou tel moment de l'année. Puisque ça peut être différent pour une personne ou pour une autre. Mais l'obligation de la zakat, s'il s'agit de l'argent et de l'or, ou de la monnaie qui est utilisée en remplacement de ces métaux, qui à la base étaient la source de l'argent, comme les dollars et les autres monnaies, eh bien, elle devient obligatoire, la zakat, lorsque tu as atteint le nisab. Et le nisab, c'est un montant qui a été prédéterminé par la charia, qui fait que si quelqu'un possède ce montant-là, à partir de ce montant ou plus, la zakat devient obligatoire pour cette personne. Et le montant de ce nisab, c'est soit en or ou en argent. En ce qui concerne le nisab, en ce qui concerne l'or, c'est 85 grammes d'or. Donc si tu possèdes la valeur de 85 grammes d'or ou plus, à partir de ce moment-là, eh bien, tu dois commencer à calculer ta zakat. Mais tu vas pas donner ta zakat automatiquement lorsque tu as le montant du nisab. À partir du moment où tu atteins le nisab, tu calcules une année complète. Et l'argent que tu as déposé ou que tu as gardé, qui dépasse la valeur du nisab, et que tu as eu pour une durée d'une année complète, sur ce montant-là, tu vas sortir la zakat. Donc c'est seulement sur l'argent que tu possèdes, qui dépasse la valeur du nisab, et que tu as gardé pendant une année complète, sur cet argent-là, tu sors la zakat. Si tu as moins que le nisab, tu n'as pas besoin de payer de zakat. Et si ça fait moins qu'une année, tu n'as pas besoin de payer de zakat non plus. En ce qui concerne les autres biens, parce qu'il y a différents biens sur lesquels on doit payer la zakat, s'il s'agit des grains ou des fruits secs, il y a de la zakat à payer sur ça, le nisab, il est différent. Et la même chose aussi pour le bétail. Le bétail, il y a un nisab aussi, et ça c'est très détaillé, et pour ces détails-là, il faut demander aux ulama. Si quelqu'un possède du bétail, il y a, à partir d'un certain nombre de têtes, il doit, hein, payer une certaine zakat s'il a des vaches, s'il a des moutons, s'il a des chameaux ou d'autres, hein, d'autres bétails, il va payer la zakat. En ce qui concerne les les commerces, ça aussi il y a la zakat à payer sur la marchandise qui est à vendre et qui est en exposition pour être vendue. Il doit payer la zakat sur ça et c'est le même nisab que pour l'or et pour l'argent dans ce cas-là. Quelle quantité on doit faire sortir de la zakat sur nos biens lorsque on a atteint le nisab et lorsque ça a complété une année? Combien on doit donner de cet argent? Eh bien, tu dois donner de cet argent 2,5% de sa valeur. D'accord? Donc, si c'est par exemple 100 $, tu vas donner 2,50 $. Si c'est 1,000 $, tu vas donner 25. Et ainsi de suite. 2,5%. D'accord? Donc, ça, c'est en ce qui concerne le montant que tu dois payer de zakat lorsque tu as atteint le nisab et lorsque ça fait une année complète que tu as gardé cet argent, tu sors 2,5% de ce montant-là. Donc, si c'est 10 000 $, tu vas payer la zakat sur cet argent-là. Et si c'est 10 millions, tu vas sortir le pourcentage qui sort de cet argent-là, selon ta richesse, selon l'argent que tu possèdes. Si c'est des têtes ou des bétails, on a dit, ça c'est autre détail qui sont clarifiés par les ulama sur ces questions-là basées sur la sunna. Si c'est les grains ou les fruits secs, c'est la même chose. Il y a des détails sur ces sujets-là. En ce qui concerne l'or et l'argent, eh bien c'est, il y en a 2,5% et la même chose pour la marchandise qui est à vendre. Et pour qui on doit donner la zakat? C'est-à-dire à qui on doit donner la zakat? Allah Azza wa Jal, il mentionne dans Surat At-Tawbah les 8 catégories à qui on a le droit de donner de la zakat. Et il mentionne dans le verset que la zakat est donnée aux pauvres et il y en a ceux qui sont dans le besoin. Il a distingué entre al-fuqara et al-masakin. Ensuite, il dit wal-amilina alayha, c'est-à-dire les gens qui sont employés pour aller ramasser le bétail, ramasser les différents blés, les grains, et que l'État a employé pour collecter la zakat. Eux, ils ont le droit aussi de prendre de la zakat. Ceux qui, par exemple, parmi les non-musulmans, sont proches de l'islam et peut-être qu'ils ont envie de se convertir à l'islam, le fait de les aider en leur donnant un peu de la zakat, ça peut les encourager à se convertir. Ou bien, s'ils sont déjà musulmans, mais pour les raffermir dans leur foi, pour les aider, de leur donner un peu de zakat aussi, ça c'est permis également, ils ont le droit. De même que les esclaves, si un esclave il travaille pour essayer d'acheter sa liberté, eh bien, c'est permis de l'aider à payer pour se libérer lui-même, de lui donner de la zakat pour qu'il puisse être libéré. Wal-gharimin, c'est ceux qui ont une dette, qui sont lourdement endettés. Wafi sabilillah, c'est les gens qui, par exemple, font partie des combattants, ou bien qui font partie de l'armée, des combattants dans l'armée ou dans le djihad, ou bien des étudiants en sciences islamiques qui sont pauvres, et de les aider et de les supporter. Ils ont le droit de prendre la zakat. Et les voyageurs, les gens qui sont en voyage et qui, par exemple, sont en problème, ils ont perdu leur argent ou quelque chose, c'est permis de leur donner de la zakat. Donc, c'est permis de donner de la zakat à ces 8 catégories-là. Et ça, c'est uniquement à ceux-là que c'est permis. Tandis que on n'a pas le droit de donner la zakat à d'autres en dehors de ces catégories-là. Donc la zakat, c'est pas pour financer les mosquées, financer les écoles islamiques, financer les projets de bienfaisance ou des choses de ce genre. Non. La zakat, c'est seulement pour ces 8 catégories-là. Et la plus importante, c'est les deux premières, al-fuqara wa al-masakin, les pauvres et les gens dans le besoin. Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, eh bien, il a mentionné uniquement cette catégorie. Et les ulama ont dit, c'est permis de donner que à une seule catégorie et de donner qu'à une seule personne. Et à la base, c'est de donner à cette personne qui est dans le besoin ou qui est pauvre la valeur de ce qu'il a de besoin pour vivre pendant une année complète. Et celui qui est miskin, c'est celui qui, yani, c'est pas qu'il a rien du tout, mais qu'est-ce qu'il a, ça, ce n'est pas suffisant pour lui. Tandis que le pauvre, c'est celui qui n'a rien du tout. Ou qui n'a presque rien. Hein, il n'a pas qu'est-ce qui lui suffit. Tandis que, al-miskin, celui qui est dans le besoin, c'est-à-dire, il a un peu, mais ça, c'est pas assez. Hein, donc, on l'aide en complétant ce dont il a besoin pour s'occuper de lui et de sa famille. Et il est permis de donner la zakat à nos proches. Il est permis de donner de la zakat à nos proches qui sont dans le besoin et qui sont pauvres, excepté si ces proches font partie de ceux qui sont déjà parmi les gens qu'on a l'obligation de les aider. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a certaines catégories de personnes, s'ils sont dans le besoin ou s'ils sont pauvres, c'est une obligation pour nous de les aider financièrement. Allah nous a ordonné ça. Et ça, c'est par exemple les parents et les enfants. S'ils ont besoin d'argent, s'ils sont pauvres, on est obligé par la charia de les aider financièrement. Donc, ils n'ont pas le droit de prendre la zakat. Tu ne peux pas te débarrasser de ton obligation de payer la zakat en leur donnant à eux, puisque c'est déjà obligatoire pour toi, en dehors de la zakat, de les aider par ton argent. Mais si tu as d'autres proches de la famille, plus éloignés, qui sont dans le besoin, et que tu les aides, ça c'est un bien. En plus d'être une obligation et une sadaqa, ça va être pour toi un moyen de garder les liens de parenté. Et également, il faut bien faire attention, lorsqu'on donne la zakat, de vérifier que les personnes à qui on donne la zakat sont parmi ceux qui méritent réellement, pour être sûr qu'on s'est déchargé de ce devoir et de cette obligation religieuse de la façon correcte. Et donc ça, c'est un résumé. On ne peut pas aller plus en détail que ça. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwa al-ghafurur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم